en uur de silo heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Henda Bredonk. Retour de Henda Bredonk sur les ondes, après une petite pause vacances. Kentel, Peran, Dao, Atrihugen, Eri. Ça fait 462. 462, voilà. Bonjour Henri. Bonjour Morgane. Madame Traugamer. Est-ce que tu glèmes? Il n'y a pas à se plaindre, il n'y a jamais à se plaindre avec Henri, c'est ça qui est beau, il ne se plaint jamais. On va commencer par Guerriou Arvué, qu'on va voir aujourd'hui? Alors là, j'avais pensé parler d'un suffixe encore, qui est Aden, A-D-E-2-N, qui permet de forger des mots qui ont rapport avec une action, le plus souvent ponctuelle ou individuelle. Et donc c'est un suffixe qui permet de former des substantifs en oyokadarn en breton. Voilà. Alors aden, je vais donner quelques exemples, hein, c'est la meilleure façon. Bon, un qui est très connu, c'est abaden, hein. Abaden, donc qu'on emploie beaucoup à la radio, hein, puisque ça désigne une émission. Abaden, ça veut dire quelque chose qui a une certaine durée. Padus, hein, voilà. Ah oui, ça vient de là. Ça vient de là, oui. C'est la racine pad, hein. Donc, quelque chose qui a une certaine durée, quoi. Ça peut être un match de foot, une soirée, voilà. Nabad, là. Alors, j'ai donné d'autres exemples, hein. C'est la meilleure façon. Tressaden. Tressaden. Oui, alors, ce sont des mots féminins. Ce sont toujours des mots féminins. Donc, un dessin, on dira un dressaden, hein. Warzaden, hein, une rigolade, hein, voilà. Orzavaden, hein, donc Orzavaden, c'est une élévation quand on élève quelque chose, quoi. Hein. Orstankaden, une réserve d'eau, hein, voilà. Orstagaden, c'est une annexe, par exemple pour un bâtiment, hein, voilà. Erstagaden, Kavaden, donc mot féminin qui va donner Gavaden, une trouvaille. Hein. Tiens, j'ai entendu à la radio Yuhaden. Oui. Hein, donc c'est un cri. Hein. Donc il y a un groupe musical. C'est un trio du Trégor avec Louis-Jacques Sugnard. Et puis deux compères, je retrouve pas le nom tout de suite et je vais les retrouver avant la fin de l'émission, ouais. C'est sûr. Ouais, ouais, j'ai entendu ça à la radio et c'est bien, hein, c'est très bien. Voilà. Bon, Orgontaden, hein, Contaden, donc c'est un conte, une histoire, hein, Orgontaden, hein, très utilisé, hein, donc pluriel, Contadenu, hein. Alors, donc ça, ce sont alors Contaden, c'est un vieux mot. Alors dans ces mots en Aden, il y a des vieux mots comme Contaden, et puis il y a des néologismes, hein, puisque pratiquement avec des racines et des suffixes et des préfixes, on arrive à faire tant de mots qu'on veut. La langue bretonne est très riche pour ça. Hein. Dastumaden, c'est une anthologie. Hein. Alors il y a souvent quand on a des mots en aden comme ça, il y a aussi des mots en adec, hein, on en avait déjà parlé, mais qui n'ont pas tout à fait le même sens. Hein. Voilà. Voilà. Un digwezaden, un événement, hein, ça s'emploie pas mal. Un tarzaden, hein, un éclatement, une explosion. Ah, un que j'aime bien, marteseaden, or varteseaden, une hypothèse. Oh, c'est joli, ça. Oui. Martésiaden. Peut-être bien, oui, peut-être bien que non. Voilà, Martésiaden, voilà. Alors, spontaden, une frayeur. Hein. Alors, huitaden, un échec. Hein. Huit ans, c'est échoué. Hein. Huitadentro. Hein. Alors, huitaden, hein. Voilà. J'entends souvent à la radio aussi, Jean-Pierre Guader dit souvent ça, Fouetaden bro, c'est se balader activement dans un pays, quoi. Faire une balade comme ça. Bon, Glaskaden, hein, or Glaskaden, une recherche, hein. Voilà. Un aussi qui est très courant et ancien, or Geriaden, hein. Alors Gerjaden, à hameau ou à village, alors là, en Bretagne, ici, on n'emploie pas les mêmes termes qu'ailleurs. Ce serait plutôt un hameau, quoi, voilà. Kassaden, alors Kassaden, c'est une expédition. Je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle comme ça aussi, oui. D'ailleurs. Alors Brenaden, un achat. Il y a deux mots, là, qui ont un peu le même sens. C'est fatigaden et valaden. Hein. Alors, c'est en liaison avec la fatigue, hein, mais c'est plus fort, hein. C'est le burn-out, carrément, quoi. Cuismaro, hein. Et fatigaden, c'est vraiment l'évanouissement, quoi. J'ai vu que burn-out vient de rentrer dans le dictionnaire. Alors, le dictionnaire de la langue française, je précise. Moi, j'ai parfois entendu des gens qui disaient « je suis rendu ». Ah, oui. Ça, je sais pas si c'est dans le dictionnaire, mais c'est... Je suis arrivé rendu usé. Oui. Voilà. Alors, valaden, hein, très employé, un malaise, en fait. Hein. Voilà. Kruaden, une créature. Baléaden, hein, c'est joli aussi. Hein. Alors, valéaden, une promenade. Hein. Alors, huiteladen, hein, un sifflement. Organaden, ouais. Il y a une chanson, là, Péwéchu, Organaden, ou un béton d'eau de Waskaden. Péwéchu, Organaden, ou Mariradin, Warzin, ou un béton d'eau de Waskaden, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Mariradin, Warzin. Voilà. Alors, Waskaden, c'est donc, Organaden, c'est la lessive, hein, et Waskaden, c'est l'essorage. Manuel, bien sûr. Voilà. Et puis, pour terminer, un mot qu'on entend depuis pas mal de temps maintenant, Nenkaden, la crise. Oh là. Bon, ben, j'espère que c'est nous, c'est pas la crise. On termine sur la crise. Guerriou Arvué avec Eri Le Naou. Place maintenant à la seconde partie, Brezhoneg Tamm Ha-Tamm. On passe au dialogue. Brezhoneg Tamm Ha-Tamm. C'est toujours Zantolec où se déroule ce dialogue, la petite commune de Zantolec dont beaucoup nous demandent où elle se trouve. Et Chani qui est la journaliste de Zantolec, la fille de la radio. La fille de la radio. Alors elle va voir André Gac, qui est le président des boulistes, hein, de Zantol qui est plus derrière réuni, quoi. Plus derrière, c'est de l'autre côté du Blavet. Salut, André. Madame Traganar. Ya, Matri, Chandik, Aganar. Matri, yé. Mais, Laridinta, oui, est président d'Arvoulistet? Ya, Chandik, président de Strolat, Birte Boulou. Zave des glaçaux, quand tu de Zantolek, à de splour, y'a rien. Pem ce glaçaux, pis d'arine mot. Agamant, mamba, boulodrom Zantolek. Ya, Chandik, derne de zendu de l'art, et his, il est hors boulou, des glaçaux et bezafet. Guiré hors boulodrom, ker. Aliès, verroiriet boulot, maman? Feya va être, bem dpv, clou, à voir, un amzer. Puis j'aurai de régos, or, au parti. Ag, vejo, vais tu dieu, wang? Tu dieu, wang? Ça se termine comme ça, le dialogue de Brézonek en Matambe, seconde partie, la semaine prochaine. On va le reprendre phrase à phrase, Henri. Voilà. Salut, André, madame Traganar. Oui, bonjour, André, comment ça va? Ça va bien? Ya, Matri Chandik, à Gunnar. Oui, très bien, Chandik, et vous? Alors, il se vous voir, hein, parce qu'ici, dans le pays, ici, on n'utilise pas beaucoup le thé. Hein. Que si c'était du tutoiement, on aurait ganit. Hein. Mais ici, on vous voit, oui. Matri, yémet, laridinta. Oui, président d'Arvoulistet, demande Chandik. Oui, très bien aussi, mais dites-moi, vous êtes président des boulistes? Alors, Arvouliste, hein, donc ça prend une mutation, puisque c'est un pluriel de nom de personne qui se termine pas en ou. D'accord. Donc, Bouliste donne Arvouliste. Voilà. Ya Chandik, président d'Arstrolat, Berder Boulou, Zavet Gantut de Zontolek à Plouderien, Pemzek Blasso, vraiment. Oui, Chandik, je suis le président de Arstrolat, c'est l'association, hein. Berder Boulou, alors ça c'est dur à traduire, hein. Susoboul, hein, voilà, qui a été fondé par des gens de Saint-Tolog et de Plouderien, il y a 15 ans maintenant. Pemze Glasso, vraiment. Amant, mamba, boulodrome Saint-Tolog. Oui, alors le mot boulodrome passe en breton, hein, il ne se traduit pas, enfin, on pourrait trouver une traduction, mais les gens disent boulodrome, hein. Oui, donc, ici, on est dans le boulodrome. Alors. Il y a Chandik. Deg Vlasso et Bessavet. Voilà, il a été construit il y a 10 ans. Tudzoala et Ilis Arboulaou. Oui, certains disent que c'est le temple des boules. Moi, c'est beau. Guiré et Arboulodrome Kier. C'est vrai que c'est un beau boulodrome, on peut féliciter la municipalité. Ça, c'est pas sur mon papier. Agaliès, Verroiriet, Boulaou, Armand, demande Chandik. Et on joue souvent aux boules ici. Fait yavat. Damoui. Bemde, pavé clouar awar en amzer. Alors, tous les jours, quand le temps, alors si on traduisait littéralement, c'est quand le temps est assez tiède. Oui, voilà, quand c'est possible, hein, du point de vue de temps, quoi. Pligera d'Aregos d'Oberor Barti. Ira. Alors, les anciens Regos, hein, aiment bien faire une partie. Alors, le mot partie aussi, une partie, on dit or barti, hein. Mais avec une mutation, hein, en partie. Agavechou et Veillé, Tudiouank. Et de temps en temps, il y a aussi des jeunes. Tudiouank? Alors elle s'étonne des jeunes, alors on verra pourquoi la prochaine fois. Et on passe à la suite, Petrazon et Vervo. troisième partie de Hentar Brezhoneg, Kentel Peron, Doa Triugen 462, Henri Le Naou est là, et c'est le moment de Petra Zonevervro. Petra Zonevervro, Eri. Ben, calze drôle, et veljus, boer vej di ouzan. Krogom de djantan, vel kis a custum, gandela bourdoua, agarvu et war armeez. Erion bremen, ba kreiz ene ve amzan. Agen amzan ne ke begualvad, ba mizme, me mestra, zo bet amzan, dour zo bet, ag amzan klou a war, c'est une zboute de riot, hag un maïs ma meus mod, hag vo kavet bouet vin de lonet. Nevesso, oa honkour hiezek, ba plantel. Enfin, pelarin ma de konkour vin de nebelion, hein. Evi département no odou en arvor. Hag ba plantel, zo ve honkour ze be pla, hag tiezek de zevro, an meus o bet primet, hein. Evel da skwer, evin de 44, o nebelus. Zo divlin kload a reg de strek lanvus, a roaz eclair de kerou, zo nebel div bronek de splonek intin, petran man roaz erel ker gonan, zo de Gilbert Rousvoil, zo deus rostren. Hag ar enso tiezeg a zo bekan de ba daou vil perzeg. Pe diur oa e lizer an. Blanmement F, hein. Hag gwell red vez zo c'hoaz tiezek mat bavro. Ne vezo zo bet de imban gant un draf e melestradur eus vid de labour douar vid de randvro, hag eus greid ur studiad en iwar ben labour douar breiz. Hag bon vid pezel de ze hemantedou, tient en randvro zo ranz et breiz. Mais vite un dalvoudegez m'empel ou aler pudur ne ce que met d'or seiz vel rank, hein. Hag zeve fe bit gwell or me stra ka de muor dalvoudegez vite pezve gred gant de la bour douar breiz. Herve studiad en ze roaz zo kalz la douar la bour de breiz, hein, pudur zo triugon dregant de zun douar a zo labourat pe so pez gwellar vid pez ve gwellad l'erhel. A me mestra ve kolet de douar labourat be pla hag war an dachen ze vo redor muor diwal muor me mestra vid paz dispign un douar labourat. Breiz me mestra zo oaz eiz a tregant mil ferm, hein, pez ne ke fal me mestra pu dur pem kandin ven an stoyan be pla war fermio ou breiz, pez ne ke fal me mestra c'hoaz. Ur blaman, ebet valpud en ekonomi eus vid de labour douar, pudur e zer ad ebet blaman bla daou viltriz, hein, zezo daou lasso, bromen, pudur zo bezer de stal ba lampoul gimilio, hein, stal gat, hag bon kuden ouzo bet gant eir, hein, gant tili sabako, sapko hag dou, a bremañ herve klevet hag gwellar an traou, me bon mestra zo kuden oaz gant rezo hor zevel mor. De don tan bremañ war nendro, daou ugen vlaso oa bet krouet mirva en nodou, le gal hag konservatoire du litoral, evit diwal de ze not, hag harz un dud de zevel zavadur yo redos de zenot. Hag bon mirva un od brein douar vi harze. Hag neus gret kalz de labour, hein, hag un drava de ben memestra e bekrou de un draze. Kalz de drouz obe de pe vo komp zon tamm de ze or politike rez bremañ, vid hat stum an ur skolajou. De l'ar ade reform de kolej vel ar zin galak. Hag klev meus komp de ze kelenadur eus an alamane, ge gresiane, ge latin, met di war an brezon eus ke klev en man bet. Gant politikourien, hein, re rur e gwen a re pechar, meus ket klev en mann eo gante warze. Hag an syndikaj eo vistri skol, meus ket klev tamp e mur, komp eus e brezhoneg. à Gouskoud et en présent de Gessichen om Zéveladur. Mais de bonne tout d'un dut ce jour à Rafouma, grand homme de zone, on bro, à Gonzéveladur, à Belgius. Clève, meus, comskals, quelle est la dure, je n'y suis arrivé. Trogzouazus, goar, meus, clève, de grand politicourien zo, politicourien de studentur, ouin, velmeslar, ruguen à pêchard. Hag, mais, pis ho, jacobine, n'aigne tout. Hag, Hervé, pis meus, clève, de, évite, viderins, cals de zrins. Une histoire au sens Helénaire histoire m'a besoin de Helénaire histoire au sens de la Cadbapène Scolidi roman national. Roman national au sort de Gontaden il y a dit Warbenen historia. Histoire brave France. Il y a histoire brave au Bohalia. Grande peine ou brase hein vers Saint-Gétorix, Clovis, Charlemagne, Zanlouille, Jeanne d'Arc, Bonne Louis Pevarzek. Votre d'un disparu à l'air vers Robespierre, mais même cause la raison ne lesen bin mais lesen Robespierre. Alors que de bon dit ce sujet là, à Napoléon de bon à bon, avec bon c'est au sort contaden, à zobé de tud vers Ernest Lavis, à zobé de labour de Warzy, labour d'enfin, on voit que Gualster de Roland, bon mais enfin. Une sorte historien d'officiel m'a besoin de quoi. À Gouskoud et bon Ernest Lavis de scrive de l'Everio histoire hein, Rogue Brezel Perzeg hein. Vide la cage juste mode ben peine Vugal et Zonche voir un roman national. Gouskoud et Migaftine un dude Gelenerien voir une histoire au sens de glace tosta derma de virion et histoire là. Pémat, péval, mais tosta de ze virion, quoi. Car, évissé, gaftine, ve goul le grand et obor studi, war un histoire pas de père pébempla ou à l'air, ravachelourieuse. Hindel m'avait vid l'art de, vid obor un histoire vel Ernest Lavis, n'est que red or calze studi. Bon, enfin, bon, dis ce manquant. Vichon mon temps, moi, d'achène et vénadur, ma sraise un peu ce gouel, bah, rostrenzo. Trou qui zélet, au bern trou qui zélet. Gouel meus tchézeg, ag bon, au bern trou, bah, rio, rostren. Ag bon, zézo brau, hein. Zézo brau, de la candute, de vel, un arz, un temps. Pemzeg arzour, ne se disquez, et au berou. Ag bon, zézo mat. D'un trizeg visme, ou abe bode de bagourin, d'auhan bugel, otis qui brezon, de baskol you orvro, hag, vugal, ezen de skande, de direg ur zal chouk, l'un chouk, de skande de sambles, a kan un un ur brogoz, gan ur gan er skelik. Neveso, ou a deud mez, ur geria du ur neve, Robert, petit Robert, grand Robert, hein, bon, a guerriou nevez au barz, vel meus l'art ar bon ptem, burn-out, mais bretonisme zo ivez. Zo et barz, bon, anglicisme, moi déjà, galicisme, mais bon, même zo bretonisme. Bon. Blaman vo daugen lasso, bouem an bekrou de gwell dans splin ba boulevriag. Blat, tiens, t'en oa bet de ou a bet krouet ba man ur nello, a oa l'air oa deud de perbla oa l'air oa deud de dandoud. Hag bon spimeus vocal se dud blanc meroas ba festival un dandoud. Ve genom se regontant d'arrivé de ze mirdi skol ba botoha. Hag bon on diskoizad ag nevezo blanc ag zo bedigor d'un del. Gan war war yelou, ak zo hanet, e si on joué. Ar zon tam war e war gerio. Ag on ever neve zo bet din ban ur oaz gant Michel Nicole Soyer, histoire d'école, war skolio botoa ag zan Nicolas. Komz eo meus betar deus dizer radur, pi deus dizer len gerledan, hein, pi d'yoriet hesk blamme, avec Combes de Calze, à Calze du Tade Hadeveld, avec Gilles de Pontavis, un scribe de l'Everwarze, ou à Histoire Harsdour, Zilenus Gilles de Janzé, hag n'ang plun, ma peçoan, hag komzora deus pesamod oa be gred harzdour, hag komzora an deus an dra an eker an arven ma trez an tiemse, oa be zonj ober greiz an nukleel rog o brenielis, oa be zonj ober greiz an nukleel ba gwerle dan. Velo chance, enfin velo chance, n'eo ket d'or chance vire brenielis, met an mene ket begret benefin. Pe gantin deus leverio, o lever zo bet in ban an eveso, gant tri den zo an avez ma ad bavro, de la rade Daniel Giraudon er velo sec a nono, hag lever ze zo hanvet krampus saoussis, an ger an brezant hag an an galoeg. O le gant historio fentus a tres adeno, bon, jon jal ran e on dra plus juste de laine. Hein. Bon, Hendel, muscular a demandé des rois de ce Gwelaïta, zo bet batre malgat, zo bet had lance de grandze Gwel broa de leur brezondek, hag wakal ze dut, hag ze zo bet o drava, Gwel en brezondek wa bet lance de babla pem ze gatrugen, ma me jongemad ba gwen gamp. A oa l'air m'en bet ba kal zo blas ou ba land gondet, ba kavant, ba speyet. Hein. Bon, a bremañ o vij, ba tre malgat, bon, gwellet vo, ma vo deret, me on dravad e ba pet. Bon, setu m'en grell on tamm tro war pesonev e ba vro. Merci Eric, eno. Sinon, Vigel, Morgane.